Les bêtes et les jésuites par Octave Mirbeau. J'ai une voisine qui élève des poules. Ma voisine est charmante, ses poules sont admirables, et c'est une joie de visiter les parquets où sont rassemblés, avec un art méthodique qu'eût approuvé Darwin, des exemplaires multiformes et multicolores de toutes les races, depuis le primitif malais, au thorax proéminent, au regard cruel, à la parure éclatante de princes barbares, depuis le lourd, le placide cochin chinois, aux culottes bouffantes, à la démarche sacerdotale, jusqu'au minuscule Java et au brillant Gaïm-Botam, dont l'allure svelte et batailleuse rappelle celle des anciens reîtres, bien sanglés dans leur pourpoint de cuir, et qui allaient, par les chemins, l'épée haute et l'œil insolent, trousser les filles et donner de grands coups d'estoc. Une visite à travers ces parquets équivaut à un voyage autour du monde. C'est un raccourci de géographie universelle, car chaque race de poule conserve et enseigne, avec une précision étonnante, les caractères ethniques, les différences de mœurs, d'habitudes, les peuples parmi lesquels elle naquit. À force de vivre avec ces bêtes, ma voisine a fini par les comprendre, et par pénétrer au plus obscur de leur âme décriée. Il ne faudrait pas lui dire que les bêtes n'ont point d'âme. Cela lui semblerait un affreux blasphème. Elle compte sur ses poules des choses merveilleuses, des actes surprenants de volonté, de conscience, toute une complexité mentale, qui effarouche un peu nos idées et qui prouve combien, chez les bêtes, l'intelligence prédomine sur l'instinct et le raisonnement sur l'impulsion atavique. Je vais souvent voir ma voisine. Ces bêtes m'enchantent et les observations quotidiennes qu'elle en tire m'intéressent au plus haut point. Hier, j'y suis allé. Après une absence de 8 jours. Je l'ai surprise, juste au moment où elle se disposait à faire la tournée de ses parquets. Vêtue d'une blouse rose, coiffée d'un chapeau de paille, ennuagée de gaz, elle portait une boîte garnie de fioles pharmaceutiques et d'instruments de chirurgie avicole. Son petit domestique la suivait, avec une assiette pleine de boulettes de viande roulées dans de la poudre de quinquina. Une forte odeur d'acide phénique circulait dans l'air stérilisé, et flottait au-dessus des lys naissants et des mourantes pivoines. « Je suis désolé, » me dit-elle. « Une épidémie, figurez-vous. Mes pauvres poules ont la diphtérie. Venez donc avec moi, car il faut que je les soigne, et c'est l'heure du pansement. » J'évitais de risquer quelques railleries sérothérapiques qu'eussent été pourtant de circonstances. Mais il ne faut jamais plaisanter un amour, quel qu'il soit. Au contraire, je crus devoir compatir à l'affliction très réelle de ma voisine, en des termes qui la touchèrent vivement. Elle m'expliqua qu'elle badigeonnait au pétrole, 4 fois par jour, la gorge de ses poules, leur lavait le bec et les yeux avec une dissolution de sulfate de cuivre, et qu'elle était obligée de leur faire avaler de force des nourritures toniques, ce qu'elle n'aimait pas. « Des enfants, » conclut-elle, « de petits enfants volontaires et têtus, têtus. Ah, si ce n'était si triste, combien je m'amuserai à toutes leurs manies, à toutes les ruses qu'elles inventent. » Nous trouvâmes les poules malades réunies dans un parquet charmant que clôturait un grillage, sur lequel couraient des roses blanches, des capucines et des clématites. Ça et là, sur l'herbe désinfectée, de petits arbustes disposaient des reposards d'ombre, des haltes de fraîcheur. Faisant le gros dos, la huppe triste, les ailes tombantes, le plumage hérissé, elles étaient rangées l'une près de l'autre sur de bas perchoirs, et elles ressemblaient aux pauvres malades qui se traînent sur des bancs dans un jardin d'hospice. Des insectes volaient autour d'elles, des insectes sautillaient dans l'herbe, auprès d'elles. Elles n'y prêtaient aucune attention, absorbées dans une sorte de coma, voisin de la mort. Mais dès qu'elles eurent aperçu, entre les clématites, la blouse rose et le grand chapeau, et la terrible boîte de leur maîtresse, elles manifestèrent une agitation insolite. On eût dit qu'elles s'efforçaient de prendre des airs de santé et de belle humeur, dont la sincérité d'ailleurs me parut douteuse. Quelques-unes gloussèrent, quittèrent le perchoir, et râlant, trébuchant, traînant dans l'herbe leurs ailes débiles, elles se dirigèrent vers des augettes pleines de miel et se mirent à manger avec une ostentation bruyante. « Mais elles ne sont pas malades, vos poules, puisqu'elles mangent, » protestai-je. « Vous croyez qu'elles mangent ? répondit ma voisine. « Elles ne mangent pas, elles font semblant de manger. C'est une comédie. »« Ça, par exemple, » m'écriai-je. « Mais observez-les donc. » »« Je les comprends, moi. Allez. » Elles savent que je viens leur racler, leur brûler la gorge, leur entonner ensuite des boulettes de viande et des amères. Toutes choses qui sont pour elles une souffrance et un dégoût. Elles tâchent d'éviter la corvée, simplement. Quand elles ont donné deux ou trois coups de bec dans l'ogette, examinez leurs yeux. Ce regard de coin, à la fois malicieux et suppliant, qu'elle glisse sur moi, comme pour me dire « Que viens-tu faire ici avec ta boîte de supplices ?»« Nous ne sommes plus malades, nous allons très bien. Remporte tes drogues qui nous brûlent la gorge et ta nourriture qui nous étouffe. Vois quel est notre appétit !» Elles veulent me tromper, comme feraient les hommes. Mais je suis aussi poule qu'elles. N'est-ce point une chose charmante et terrible ? Terrible surtout, car enfin, il y a des gens qui les mangent. Oui, qui mangent de la volonté, de la pensée, de l'intelligence, de la fantaisie. Et vous savez, il y a des poules qui deviennent folles, je vous assure, folles, comme Ophélia. Est-ce que cela seul ne devrait pas les rendre sacrés ? Moi, quand je vois sur une table un poulet rôti, ça me fait l'effet d'un crime. Je vérifiai l'exactitude de l'observation si curieuse de ma voisine et je rentrai chez moi, rêveur. Et maintenant je me souviens qu'un jour au collège, chez les jésuites, je causais un scandale inouï. Dans une composition française, j'avais, fort innocemment d'ailleurs, écrit, je ne sais à propos de quoi, ces mots détestables, l'intelligence des bêtes. Ce fut de la stupeur. Mon professeur, indigné, m'admonesta sévèrement devant toute la classe, et il déclara que Voltaire, oui, Voltaire lui-même, comprenez-vous, n'eût pas osé aller si loin dans l'impiété, l'intelligence des bêtes. Mais alors, que faisais-je donc des hommes, du pape et de Dieu ? Est-ce que la religion avait été inventée pour les baudets et pour les porcs ? Et la conscience ? Où donc la mettais-je ? Et la création ? Oui, je l'arrangeais bien, la création. Je la biffais tranquillement, d'un trait de plume. Il termina son éloquente apostrophe en m'infligeant 8 jours de pain sec et 2 jours de cachot pour avoir donné à un tel blasphème une forme si audacieuse et si précise. Je ne me rendais pas compte de la nature de mon crime, ni que j'eusse biffé d'un trait de plume la création de Dieu. Tant était grande, évidemment, la perversité foncière de mon esprit. Mais que j'eusse commis ce crime, il n'en fallait pas douter. Et je n'en doutais pas un instant. Mon professeur était un des pères les plus aimés du collège, en ce qu'il se mêlait, plus que les autres, à nos jeux. Il était de première force sur le ballon, sautait à pieds joints d'incroyables distances, et nul ne le pouvait battre dans la course des chasses. Aussi sa parole était crue comme les évangiles, et souveraine son autorité. Dans ce petit monde, très discipliné que nous étions, une remontrance publique venant d'un homme si prestigieux des reins, si indiscutable des jarrets, avait force de loi. Elle me valut des huées dans les cours de la part de mes camarades scandalisés et le surnom de Voltaire me resta, stigmate d'infamie. Depuis bien des années ont passé. Les jésuites ont été dispersés et ils sont revenus. Les professeurs sont morts, d'autres les remplacent. Eh bien, si j'en crois mes jeunes neveux qui apprennent la vie dans ce même collège, le souvenir y persiste toujours de mon impiété. À de certains anniversaires, on en parle encore, comme d'une terreur. Durant que je faisais mes 2 jours de cachot, fort troublé par le crime que j'avais commis et dont je ne parvenais à m'expliquer l'inconcevable horreur, le père vint me voir une après-midi, et telles furent les paroles qu'il prononça. « Mon cher enfant, votre faute est très grande. Toi culpa, toi maxima culpa. Mais peut-être n'était pas aussi irrémédiable qu'on pourrait le croire. Vous êtes jeune, d'une famille chrétienne, élevé dans les principes du plus strict honneur et de la morale la plus judicieuse. J'espère encore qu'il existe dans votre âme des parties que n'a point gâté le poison du doute. Un repentir sincère et une bonne confession vous apporteront, je le pense, le pardon de Dieu. Mais je n'en réponds pas, car vous l'avez offensé cruellement. Sans doute il faudra une longue suite de prières spéciales et de pénitences appropriées. Et puis, il y a le grand chien noir. » Le visage du père prit aussitôt une expression d'effroi. Et cet effroi dont il était tout bouleversé à cette diabolique évocation du grand chien noir, se communiqua instantanément de ses yeux à mon âme. Il continua. Il y a quelques années, un de nos enfants, de votre âge, avait, comme vous, commis une grande faute contre la religion. Sans doute qu'il ne s'en était pas repenti, ou bien, qui sait, les voies de Dieu sont si impénétrables. Bref, un jour, à la promenade, un chien, tout à coup, un grand chien noir, avec des prunelles rouges comme du feu, des oreilles droites et pointues comme des cornes, et tout couvert de bave sulfureuse, se précipita sur le pauvre petit enfant pêcheur et l'emporta. On ne l'avait pas vu venir, on ne le vit pas davantage s'en aller, et jamais on n'entendit parler de l'enfant. Quant au grand chien noir, il rôde quelquefois autour des enfants impies, et il grogne affreusement. Oh, prenez garde au grand chien noir! J'étais devenu tout pâle et je tremblais d'épouvante. Le père reprit alors avec une voix moins solennelle, et me tapotant des genoux, doucement, avec un air de bonté attristée et familière, il me dit « Allons, allons, remettez-vous. Nous l'écarterons, le grand chien noir, nous l'écarterons. Mais il faut que vous nous y aidiez. Comprenez-vous maintenant ce que ces mots, l'intelligence des bêtes, contiennent d'affreuses hérésies? Quand vous les avez écrits, ces mots abominables étaient sans vous le désir de vous révolter contre l'ordre immuable de la divine création. Avez-vous blasphémé inconsciemment? Car enfin, les péchés s'aggravent ou s'atténuent, selon l'intention qu'on y met. » Je balbutiai quelques paroles de dénégation. « Vous ne parlez pas. J'aime mieux cela. Vous n'êtes pas tout à fait perdu, tout à fait pourri. Il y a de la ressource, grâce à Dieu. Rappelez-vous bien, mon cher enfant, que les bêtes ne peuvent pas avoir de l'intelligence. Si les bêtes étaient intelligentes, elles honoreraient Dieu. Elles bâtiraient des églises. Elles auraient de la religion, enfin. Et puis, elles ne vivraient pas comme elles vivent, dans cet état d'impudeur tranquille et de répugnante anarchie. Cela saute aux yeux. Affirmer l'intelligence des bêtes, c'est détruire l'œuvre de Dieu, c'est nier l'âme immortelle. Dieu n'a donné aux bêtes que de l'instinct. Rappelez-vous ce mot-là, de l'instinct. Et encore, c'est beaucoup. Mais ne discutons pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et vous, savez-vous ce que c'est que l'instinct ? Et sans attendre ma réponse, le père dit « L'instinct, cher enfant, c'est le diable. » Après quoi il se leva, et après m'avoir exhorté de nouveau aux longues prières et aux dures pénitences, il s'en alla. C'était « Les bêtes et les jésuites » par Octave Mirbeau.